Je résolus, pour gagner du temps, de faire la plus belle défense qu'il me serait possible. Bientôt, ma vanité me dispensa de songer à ma résolution. Et dès que je m'aperçus que j'embarrassais quelquefois ceux qui voulaient m'instruire, il ne m'en fallut pas davantage pour chercher à les terrasser tout à fait. Je mis même à cette entreprise un zèle bien ridicule, car tandis qu'ils travaillaient sur moi, je voulus travailler sur eux. Je croyais bonnement qu'il ne fallait que les convaincre pour les engager à se faire protestants. Ils ne trouvèrent donc pas en moi tout à fait autant de facilité qu'ils en attendaient, ni du côté des Lumières, ni du côté de la volonté. Les protestants sont généralement mieux instruits que les catholiques. Cela doit être. La doctrine des uns exige la discussion, celle des autres, la soumission. Le catholique doit adopter la décision qu'on lui donne, le protestant doit apprendre à se décider. On savait cela, mais on n'attendait ni de mon état ni de mon âge de grandes difficultés pour des gens exercés. D'ailleurs, je n'avais point fait encore ma première communion, ni reçu les instructions qui s'y rapportent. On le savait encore. Mais on ne savait pas qu'en revanche, j'avais été bien instruit chez M. Lambercier, et que de plus, j'avais par devers moi un petit magasin fort incommode à ces messieurs dans l'histoire de l'Église et de l'Empire, que j'avais apprise presque par cœur chez mon père, et depuis à peu près oublié, mais qui me revint à mesure que la dispute s'échauffait. Un vieux prêtre, petit, mais assez vénérable, nous fit en commun la première conférence. Cette conférence était pour mes camarades un catéchisme plutôt qu'une controverse, et il avait plus affaire à les instruire qu'à résoudre leurs objections. Il n'en fut pas de même avec moi. Quand mon tour vint, je l'arrêtai sur tout. Je ne lui sauvai pas une des difficultés que je pus lui faire. Cela rendit la conférence fort longue et fort ennuyeuse pour les assistants. Mon vieux prêtre parlait beaucoup, s'échauffait, battait la campagne et se tirait d'affaire en disant qu'il n'entendait pas bien le français. Le lendemain, de peur que mes indiscrètes objections ne scandalisassent mes camarades, on me mit à part dans une autre chambre avec un autre prêtre, plus jeune, beau parleur, c'est-à-dire faiseur de longues phrases, et content de lui, si jamais docteur le fut. Je ne me laissai pourtant pas trop subjuguer à sa mine imposante, et, sentant qu'après tout je faisais ma tâche, je me mis à lui répondre avec assez d'assurance et à le bourrer par-ci par-là du mieux que je pus. Il croyait m'assommer avec saint Augustin, saint Grégoire et les autres pères, et il trouvait, avec une surprise incroyable, que je maniais tous ces pères-là presque aussi légèrement que lui. Ce n'était pas que je les eusse jamais lus, ni lui peut-être, mais j'en avais retenu beaucoup de passages tirés de mon Le Sueur. Et sitôt qu'il m'en citait un, sans disputer sur la citation, je lui ripostais par un autre du même père, et qui souvent l'embarrassait beaucoup. Il l'emportait pourtant à la fin par deux raisons. L'une, qu'il était le plus fort, et que, me sentant pour ainsi dire à sa merci, je jugeais très bien, quelque jeune que je fusse, qu'il ne fallait pas le pousser à bout. Car je voyais assez que le vieux petit prêtre n'avait pris en amitié ni mon érudition, ni moi. L'autre raison était que le jeune avait de l'étude et que je n'en avais point. Cela faisait qu'il mettait dans sa manière d'argumenter une méthode que je ne pouvais pas suivre, et que, sitôt qu'il se sentait pressé d'une objection imprévue, il la remettait au lendemain, disant que je sortais du sujet présent. Il rejetait même quelquefois toutes mes citations, soutenant qu'elles étaient fausses, et, s'offrant à m'aller chercher le livre, me défiait de les y trouver. Il sentait qu'il ne risquait pas grand-chose, et qu'avec toute mon érudition d'emprunt, j'étais trop peu exercée à manier les livres, et trop peu latiniste pour trouver un passage dans un gros volume, quand même je serais assurée qu'il y est.

s'imaginant que la cause de ma résistance était la crainte de la douleur, il m'assura que cette crainte était vaine et qu'il ne fallait pas s'alarmer de rien. J'écoutais cet infâme avec un étonnement d'autant plus grand qu'il ne parlait point pour lui-même. Il semblait ne m'instruire que pour mon bien. Son discours lui paraissait si simple qu'il n'avait pas même cherché le secret du tête-à-tête, et nous avions en tiers un ecclésiastique que tout cela n'effarouchait pas plus que lui. Cet air naturel m'en imposa tellement que j'en vins à croire que c'était sans doute un usage admis dans le monde, et dont je n'avais pas eu plus tôt occasion d'être instruit. Cela fit que je l'écoutais sans colère, mais non sans dégoût. L'image de ce qui lui était arrivé, mais surtout de ce que j'avais vu, restait si fortement empreinte dans ma mémoire qu'en y pensant, le cœur me soulevait encore. Sans que j'en susse davantage, la version de la chose s'étendit à l'apologiste, et je ne pus me contraindre assez pour qu'il ne vît pas le mauvais effet de ses leçons. Il me lança un regard peu caressant, et dès lors, il n'épargna rien pour me rendre le séjour de l'hospice désagréable. Il y parvint si bien que, n'apercevant pour en sortir qu'une seule voie, je m'empressai de la prendre autant que jusque-là je m'étais efforcé de l'éloigner. Cette aventure me mit pour l'avenir à couvert des entreprises des chevaliers de la Manchette. Et la vue des gens qui passaient pour en être, me rappelant l'air et les gestes de mon effroyable mort, m'a toujours inspiré tant d'horreur que j'avais peine à la cacher. Au contraire, les femmes gagnèrent beaucoup dans mon esprit à cette comparaison. Il me semblait que je leur devais en tendresse de sentiment, en hommage de ma personne, la réparation des offenses de mon sexe. Et la plus laide guenon devenait à mes yeux un objet adorable par le souvenir de ce faux Africain. Pour lui, je ne sais ce qu'on put lui dire. Il ne me parut pas que, excepté la dame Lorenza, personne le vit de plus mauvais œil qu'auparavant. Cependant, il ne m'accosta ni ne me parla plus. 8 jours après, il fut baptisé en grande cérémonie et habillé de blanc de la tête aux pieds pour représenter la candeur de son âme régénérée. Le lendemain, il sortit de l'hospice et je ne l'ai jamais revu. Mon tour vint un mois après, car il fallut tout ce temps-là pour donner à mes directeurs l'honneur d'une conversion difficile. Et l'on me fit passer en revue tous les dogmes pour triompher de ma nouvelle docilité. Enfin, suffisamment instruit et suffisamment disposé au gré de mes maîtres, je fus mené processionnellement à l'église métropolitaine de Saint-Jean pour y faire une abjuration solennelle et recevoir les accessoires du baptême, quoiqu'on ne me baptisât pas réellement. Mais, comme ce sont à peu près les mêmes cérémonies, cela sert à persuader au peuple que les protestants ne sont pas chrétiens. J'étais revêtu d'une certaine robe grise, garnie de brandebourgs blancs, et destiné pour ces sortes d'occasions. 2 hommes portaient, devant et derrière moi, des bassins de cuivre sur lesquels ils frappaient avec une clé, et où chacun mettait son aumône au gré de sa dévotion ou de l'intérêt qu'il prenait aux nouveaux convertis. Enfin, rien du faste catholique ne fut omis pour rendre la solennité plus édifiante pour le public et plus humiliante pour moi. Il n'y eut que l'habit blanc qui m'eût été fort utile, et qu'on ne me donna pas comme aux morts, attendu que je n'avais pas l'honneur d'être juif. Ce ne fut pas tout. Il fallut ensuite aller à l'Inquisition recevoir l'absolution du crime d'hérésie, et rentrer dans le sein de l'Église avec la même cérémonie à laquelle Henri IV fut soumis par son ambassadeur. L'air et les manières du très révérend père inquisiteur n'étaient pas propres à dissiper la terreur secrète qui m'avait saisi en entrant dans cette maison. Après plusieurs questions sur ma foi, sur mon état, sur ma famille, il me demanda brusquement si ma mère était damnée, L'effroi me fit réprimer le premier mouvement de mon indignation. Je me contentai de répondre que je voulais espérer qu'elle ne l'était pas, et que Dieu avait pu l'éclairer à sa dernière heure. Le moine se tut, mais il fit une grimace qui ne me parut point du tout un signe d'approbation. Tout cela fait, au moment où je pensais être enfin placé selon mes espérances, on me mit à la porte avec un peu plus de 20 francs, en petite monnaie qu'avait produit ma quête. On me recommanda de vivre en bon chrétien, d'être fidèle à la grâce, on me souhaita bonne fortune, on ferma sur moi la porte, et tout disparut. Ainsi s'éclipsèrent en un instant toutes mes grandes espérances, et il ne me resta de la démarche intéressée que je venais de faire que le souvenir d'avoir été apostat et dupe tout à la fois. Il est aisé de juger quelle brusque révolution dut se faire dans mes idées, lorsque, de mes brillants projets de fortune, je me vis tomber dans la plus complète misère, et qu'après avoir délibéré le matin sur le choix du palais que j'habiterais, je me vis le soir réduit à coucher dans la rue. On croira que je commençais par me livrer à un désespoir d'autant plus cruel que le regret de mes fautes devait s'irriter, en me reprochant que tout mon malheur était mon ouvrage. Rien de tout cela. Je venais pour la première fois de ma vie d'être enfermé pendant plus de 2 mois. Le premier sentiment que je goûtais fut celui de la liberté que j'avais recouvrée. Après un long esclavage, redevenu maître de moi-même et de mes actions, je me voyais au milieu d'une grande ville abondante en ressources, pleine de gens de condition, dont mes talents et mon mérite ne pouvaient manquer de me faire accueillir, sitôt que j'en serais connu. J'avais, de plus, tout le temps d'attendre, et 20 francs que j'avais dans ma poche me semblaient un trésor qui ne pouvait s'épuiser. J'en pouvais disposer à mon gré, sans rendre compte à personne. C'était la première fois que je m'étais vue si riche. Loin de me livrer au découragement et aux larmes, je ne fis que changer d'espérance, et l'amour-propre n'y perdit rien. Jamais je ne me sentis tant de confiance et de sécurité. Je croyais déjà ma fortune faite, et je trouvais beau de n'en avoir l'obligation qu'à moi seule. La première chose que je fis fut de satisfaire ma curiosité en parcourant toute la ville, quand ce n'eût été que pour faire un acte de ma liberté. J'allai voir monter la garde. Les instruments militaires me plaisaient beaucoup. Je suivis des processions. J'aimais le faux bourdon des prêtres. J'allai voir le palais du roi. J'en approchais avec crainte. Mais voyant d'autres gens entrer, je fis comme eux. On me laissa faire. Peut-être dus-je cette grâce au petit paquet que j'avais sous le bras. Quoi qu'il en soit, je conçus une grande opinion de moi-même en me trouvant dans ce palais. Déjà, je m'en regardais presque comme un habitant. Enfin, à force d'aller et venir, je me lassais. J'avais faim, il faisait chaud. J'entrai chez une marchande de laitage. On me donna de la djunka, du lait caillé. Et avec 2 grises de cet excellent pain de Piémont, que j'aime plus qu'aucun autre, je fis, pour mes 5 ou 6 sous, un des bons dîners que j'ai fait de mes jours. Il fallut chercher un gîte. Comme je savais déjà assez de Piémontais pour me faire entendre, il ne fut pas difficile à trouver, et j'eus la prudence de le choisir plus selon ma bourse que selon mes goûts. On m'enseigna dans la rue du Pot la femme d'un soldat, qui retirait à 1 sou par nuit des domestiques hors de service. Je trouvai chez elle un grabat vide et je m'y établis. Elle était jeune et nouvellement mariée, quoiqu'elle eût déjà 5 ou 6 enfants. Nous couchâmes tous dans la même chambre, la mère, les enfants, les hôtes. Et cela dura de cette façon tant que je restai chez elle. Au demeurant, c'était une bonne femme, jurant comme un charretier, toujours débraillée et décoiffée, mais douce de cœur, officieuse, qui me prit en amitié, et qui même me fut utile.